puisque ben en fait il vous reste à créer vos personnages. Alors une chose qui est importante à retenir, c'est que c'est tout à fait possible de faire sa création. Bon alors honnêtement c'est pas mon Arbre, c'est pas un jeu optimisé pour le jeu en ligne. On va essayer quand même de dépasser les limites du média. Arbre, tu peux créer ton personnage sans rien dire aux autres de ce que tu as préparé sur le personnage. Et c'est-à-dire que tu vas tout dévoiler en fait pendant le jeu, quoi. Sachant que vous pourrez quand même ressentir le besoin de vous coordonner sur divers détails. Il y a quand même une directive qui est quand même de donner au moins quelques mots sur le personnage, surtout que les autres vont devoir quand même faire des liens avec votre personnage. Donc si ça en savent absolument rien, ça devient très très spéculatif. Mais vous pouvez vous limiter à juste donner quelques mots. Par exemple, bah, mon personnage, c'est un jongleur, il est complètement foufou, et visiblement, il est un petit peu lunatique dans ses attitudes. Des fois, il est jovial, et puis le lendemain, il est complètement en pleine sinistrose. Voilà, ça peut largement suffire. Est-ce que du coup, le jeu autorise, c'est une vraie question et c'est pas une façon de contourner les règles, si on a le droit de garder ce qui nous compose caché, est-ce qu'on a aussi l'option, pour peu que ça nous arrange, de laisser des points d'ombre que nous-mêmes n'avons pas tranchés et les définir à voler, où il est impératif que le personnage soit entier, achevé lorsqu'on débute la Non, séance? tu peux définir des choses à la volée. D'accord, c'est bon à savoir. Foncièrement, vous jouez des amnésiques. Enfin, c'est pas des amnésiques. C'est pas forcément des mecs qui se réveillent un bon matin et qui oublient tout le reste de leur vie, quoi. Mais vous jouez forcément des gens dont le passé est une espèce de mots croisés que vous êtes tout le temps en train de faire, quoi. Ok. Donc c'est vrai que le passé du personnage, il est tout le temps en train de se préciser au fur et à mesure. Le personnage va se construire un peu au fur et à mesure. Même si c'est par contre à l'inverse d'un jeu comme Inforenza, on a quand même beaucoup de choses qui sont déjà très définies dès le départ. Et souvent, c'est des pistes en fait. C'est des pistes qu'on va creuser. Alors, on revient. La première chose qu'il faut faire, je pense, pour définir son personnage, c'est de définir une à trois branches mortes. En fait, quand vous barrez une branche, c'est une infirmité que le personnage a et qui va beaucoup le typer. Vous avez des exemples qui sont donnés dans le guide. Par exemple, si vous avez barré cœur, vous êtes soit un sociopathe, ou alors vous êtes incapable d'exprimer vos sentiments, ou alors vous êtes très détaché, ou encore vous êtes lâche. Sachant que, encore une fois, c'est vous qui déterminez ce que ça signifie de barrer une branche. Par contre, il y a une chose qui est importante à retenir, c'est qu'une fois que vous avez barré la branche, vous pouvez plus rien noter dedans, quoi. Donc ça veut dire que les feuilles, c'est-à-dire ce qui compose votre personnage, ça va être noté dans les autres branches. Là, j'ai raté un wagon. J'étais en train de chercher 2-3 infos. Tu veux que je te réexplique la branche Je morte, c'est pense que ça? t'en spies. C'est la dernière. Là, j'ai raté la dernière phrase. Enfin, j'ai raté un bout de la dernière phrase et du coup, sorti de son contexte, je n'y entends absolument rien. Quand tu barres une branche, Ouais. tu peux plus rien noter dedans. Donc voilà, ça c'est le truc important à retenir. Et quand une branche est barrée, en fait, c'est une infirmité du personnage. Ça, je me rappelle, oui, l'avoir lu. Voilà. C'est toi qui définis ce que ça signifie exactement. Il y a des exemples qui sont donnés dans le guide du joueur, mais c'est vraiment que des exemples. Ça, j'avais entendu, oui. Et donc tu vas barrer une à trois branches. Sachant que si tu en barres trois, t'es vraiment un perso, t'es vraiment une gueule cassée, quoi. Ou en tout cas, soit une gueule cassée, soit un personnage très monolithique. Voilà. Est-ce que vous voulez réfléchir à votre branche morte ou est-ce que vous préférez que j'embraye sur la suite pour pouvoir aborder tout d'un bloc? Je pense que je vais prendre mémoire, donc c'est bon, pour moi on peut continuer. Ouais, moi j'ai pris viscère déjà. Moi je laisse ce choix encore en stand-by pour le moment. Moi je pensais prendre un microcosme. Ok, super. Donc, il faut ensuite Donc, en fait, sur votre feuille de personnage, vous aurez une vingtaine de. Alors, j'appelle ça des feuilles parce que quand on joue autour d'une table, en fait, on utilise des post-it. Là, c'est juste des mots que vous allez écrire dans vos diverses branches. Donc, il faut une vingtaine de mots environ. Sachant que c'est pas grave si vous séchez, si vous arrivez à en mettre que 10. 20, on va dire, c'est plutôt un maximum. Il y a des suggestions de feuilles. Je crois qu'il y en a carrément, il y en a déjà pas mal. Il y en a limite une quinzaine. Encore une fois, ne vous sentez pas obligé d'utiliser toutes les suggestions. Si vous avez vos propres idées, c'est peut-être mieux de passer outre les suggestions et puis de bâtir sur vos propres idées. Par contre, si vous utilisez les suggestions, la plupart fonctionnent par couple et il vaut mieux faire le couple. Alors, je prends un exemple, il y a deux suggestions, c'est l'objectif de survie, l'objectif d'abandon. L'objectif de survie, c'est quelque chose que je veux accomplir, qui me promet un avenir plus sûr. Tandis que l'objectif d'abandon, c'est quelque chose que je veux accomplir, qui me promenait un avenir chaotique. Par exemple, je sais pas, objectif de survie, ça pourrait être comment trouver un endroit ou comment trouver un véhicule ou en tout cas un matériel de campement suffisamment élaboré pour que j'ai jamais comment que je puisse toujours dormir avec quelque chose sur ma tête. Un objectif d'abandon, ça pourrait être je sais pas, découvrir une nouvelle drogue ou retrouver une personne qui en fait il y a une mauvaise influence sur moi. Donc voilà, quand vous utilisez, donc voilà, on voit, alors parmi les autres suggestions, problème germé, problème dormant, c'est clairement des choses qui sont en couple. Alors les quatre premiers là, objectif de survie, objectif d'abandon, problème germé, problème dormant, c'est quand même des choses que j'apprécierais que vous preniez, parce que c'est quand même des choses qui structurent le jeu. On va dire que le reste est un petit peu plus un petit peu plus optionnel, mais ces quatre premiers quand même, ils sont vraiment importants. Donc ensuite, un par couple, vous avez pureté, pourriture. Un autre couple, c'est protection, défaut de la cuirasse. Comme couple aussi, on a objectif relationnel et relation. Attache et éphémère, c'est aussi un couple. Dépôt, ça c'est une chose qui n'est pas en couple, qui est toute seule. Fatum et rumeurs, c'est pareil, c'est des choses qui sont pas en couple, qui sont en solo. Je vais pas détailler toutes les suggestions parce que ça ce serait assez long. Par contre, vous pouvez me poser des questions hein, sur Oui. ces. Quand tu dis que c'est un mot, c'est juste un mot ou ça peut être une courte phrase? Ça peut être une courte phrase, mais c'est généralement plus élégant si tu peux résumer ça en un seul mot ou éventuellement un mot avec un ou deux adjectifs. Après, si vraiment tu as besoin d'une phrase pour expliciter, fais-le, mais c'est pas Je veux obligatoire. dire Un je mot ou tape. expression, parce qu'un seul mot, ça risque de limiter quand même à. Oui, tout à fait. Voilà, faut que tu mettes du sens derrière, mais c'est juste qu'il faut pas non plus écrire un roman, quoi. Ouais, Voilà. donc j'ai pensé par exemple à 3-4 mots, ça peut Oui, deux, trois mots. 3-4 mots, ça peut aller, quoi, mais. Mais quelque chose que les autres sauraient sur moi de toute façon, je comptais mettre. Parfois j'explose de colère terrible. J'attends de voir. Je ne sais pas si c'est bon ou pas. Vois ça par exemple, tu aurais mis Colère. colère ou colère avec un S, ça suffisait largement. Donc je veux pas. Évidemment, mon intention n'est pas de donner une leçon de style, mais souvent tu verras qu'en termes de jeu, parce que tu auras quand même énormément d'informations sur ta feuille, tu t'y retrouveras plus facilement si tu as juste des petits mots. Que des phrases, parce que c'est bien gentil les jeux à aspects, mais là en fait ça te ferait une vingtaine d'aspects et tu risques de t'y perdre. Avec des mots, ce sera plus facile. Et Ok. toutes les feuilles doivent être rangées dans les branches. Ouais, tout à fait, ouais. Ok. En fait, moi, je vais pas barrer microcosme, mais je vais plutôt barrer matériel finalement. Ok. Donc quand vous le sentez aussi, dites quelques mots sur vous, ce qui va aider les autres, notamment s'ils veulent faire des mots qui sont liés à votre personnage, quoi. Notamment pour mémoire, je vais peut-être me garder un ou deux trucs quand on aura vraiment les persos, quoi, pour éventuellement mettre des Ça un roule, avis hein. sur les autres personnages, ouais. Ouais, puis de toute façon, c'est au début qu'il faut faire 20 mots, 20 mots maximum. En cours de jeu, en fait, la feuille de personnage, il faut bien la voir pour ce qu'elle est, c'est-à-dire c'est une feuille de prise de notes. Donc, vous pouvez rajouter autant d'éléments qui vous paraît nécessaire, quoi. Je récapitule pour être sûr. Donc, on a les 7 branches à définir et on a 3 objectifs à définir, donc survie, abandon, dormant, et c'est ce qui va composer l'intégralité de notre personnage. Non, c'est pas 3 objectifs, il y a 2 objectifs, objectif de survie, objectif d'abandon, et 2 problèmes. Problème germé et problème dormant. Ah, c'est problème que j'avais pas suivi. Ouais. Problème. Oui, ce qui est bien quand même, si vous utilisez hein, par des feuilles qui sont les feuilles imposées, hein, c'est d'écrire entre parenthèses à côté du mot ce que c'est, quoi. Genre, vous écrivez entre parenthèses objectif de survie, voilà, construire un abri, tu vois. Je suis en train d'essayer de me faire une fiche, c'est pour ça. Que je puisse ensuite mettre sur le board. Ouais, moi je crois que je vais le taper aussi parce que ça sera plus facile. Non, si je le tape. C'est toujours un peu gênant en virtuel parce que du coup on a l'impression qu'il se passe rien. Vous le Même tapez temps, tu sur le board avais ou annoncé la couleur, je hein. comprends Quand c'est pas. ton perso, ça va être. Non, on le tape à part. Ok, ouais. On le Quelque tape à chose part, de. non? Bah, il vaut mieux hein, parce que l'intérêt du jeu c'est vraiment de dévoiler des infos sur vos persos au fur et à mesure. Donc si tout est écrit cache visible de tout le monde au départ, ça va pas être intéressant, quoi. Bien sûr, mais je veux dire, j'anticipe, enfin, je me fais une feuille en local et j'anticipe aussi une version online qui va se Ah, dévoiler nickel. petit à petit pour. Alors je vois des portraits qui correspondent à qui là? Il y a deux portraits sur le board. Celui du bas, c'est sur mon potentiel lanceur de couteau avec une moustache fantastique. Et l'autre, c'est moi. J'avais un autre catamaran aussi que je vais mettre juste à côté. Moi, ça m'aide d'avoir une image un petit peu comme source d'inspiration, quoi. Un petit peu comme l'Eidolon ou le Simulacron de Sword Wizard Master, quoi. Parce que la liberté est telle que tu peux partir dans tous les sens, donc ça m'aide à me cadrer. Pas de souci. Tu souhaites vraiment qu'on conserve ce silence studieux ou ça vaudrait le coup de créer un second fichier? Le nom du personnage, c'est une feuille également? Thomas? On a perdu notre MJ, je crois. Notre garde forestier. Pour une fois qu'on fait une partie de KMG en plus. Perdu. Vous jouez plus souvent des parties sans maître? Ça nous arrive. Moi, ouais, en hand-out, tout le temps. Ouais. Vu que j'ai une grosse partie où je suis MJ dans un jeu à gros background, chaque fois que je peux, je fais sans MJ en fait. Ou très réparti, quoi. C'est quoi le jeu en question? Et j'arrêterai le. STRN en fait. Et le problème c'est que je me suis lancé dans une campagne longue en étant débutant sans me rendre compte de ce que ça donnait. Et le D'accord. pire c'est que les joueurs ont envie de continuer en fait. Les enfoirés. Putain, les trous du cul. J'essaie de leur faire faire de la narration partagée avec des mécaniques discrètes, mais je crois qu'ils s'en rendent compte. Ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas mûrs. Je dis ça en plaisantant, mais la narration partagée, c'est faut aimer quoi. Ouais, mais des fois c'est des trucs à la con, genre ta maison, elle ressemble à quoi? Bah, je sais pas, raconte-moi. Enfin, j'ai l'impression de toujours tout faire, en fait. ouais, enfin, je sais pas. Après, c'est vaste, la narration partagée. Je comprends et je revendique aussi le besoin d'être spectateur des fois. Le fait d'avoir trop de pouvoir de décision, ça change un peu ta perception de la partie. Mais je vais arrêter la digression là parce que Ouais, déjà on doit se creuser le crâne si on commence à. crâne. On prend le crâne, ouais. Juste pour faire un petit point de concentration sur ce que j'ai oublié de faire. Si en cours de jeu, il y a des thématiques qui sont abordées, qui vous gênent, qui vous choquent, ou tout simplement avec lesquelles vous n'avez pas envie de jouer ce soir, le plus simple, bon, vous voulez dire cash, mais il faut avoir de l'aplomb pour ça, tout le monde n'en a pas. Vous pouvez aussi m'envoyer un message privé en me disant, bah voilà. J'ai pas envie qu'il se passe tel genre de choses dans la partie. Et moi, je me charge de recadrer sans discrètement, c'est-à-dire sans dire bah, un tel m'a dit qu'il fallait pas qu'il y ait tel genre de choses. Donc, de telle sorte que les autres joueurs savent pas si. Ah oui, pardon, je parlais, mais j'avais pas mon micro. Je t'entendais quand même, mais c'était oui. Un peu. Ouais, ouais, excusez-moi, je. Oui, ce que je disais, donc si vous avez un truc qui vous gêne dans la partie, vous m'envoyez un petit mot en privé via Google. Éventuellement, vous mettez MP Thomas dans la chatbox quand même pour que je pense à vérifier mes messages. Et puis donc, moi, je me charge ensuite de recadrer la partie en toute discrétion. Et dernière chose qui peut vous aider, je me rends compte que je devrais l'écrire de façon plus centrale dans le guide du joueur, qui peut vous aider, petit 1, à définir vos personnages, et petit 2 aussi à comprendre en fait ce qu'on joue en fait dans Arbre. Ce qui est intéressant dans Arbre, c'est le fait que vos personnages sont sur le fil entre la survie et l'abandon. Survie, en fait, alors c'est détaillé dans la deuxième partie la deuxième page du guide des joueurs que je vais skipper dessus. Super, ça marche pas. La survie, en fait, c'est les gens qui sont dans les communautés sont majoritairement en survie. C'est quelque chose qui pousse le personnage à rechercher le confort. À chercher la santé, toutes ces bonnes choses quoi, qui fait qu'on vit plus longtemps, meilleure santé. Et l'abandon, bah c'est exactement l'inverse quoi. C'est un petit peu, ça peut être apparenté à une sorte de pulsion de mort. Bon, sauf qu'en réalité, les choses sont beaucoup plus nuancées que ça. C'est-à-dire qu'il y a du bon comme du mauvais. Dans les deux pôles, dans le pôle survie comme dans le pôle abandon. Et vos personnages justement sont sur le fil, toujours à se demander justement quelle est l'attitude la meilleure à adopter. Le plus simple pour comprendre un petit peu la complexité de ces deux pôles, c'est de voir la liste de mots qui sont associés à chacun. Par exemple, survie, on a l'adaptation, le confort, la dignité, l'égoïsme, la haine, l'instinct de groupe, ainsi de suite. Abandon, on a l'addiction, l'autodestruction, la confiance, la curiosité, le détachement. Concrètement, les gens qui sont dans les communautés, ils sont complètement en survie, et les gens qui sont en solo, ils sont complètement dans l'abandon. Et vous, bah, vous êtes sur le fil, quoi. Et généralement, ce qui se passe, c'est que... Faut imaginer que vous vous réveillez après comme une sorte de gueule de bois, et vous réveillez sur le fil, quoi. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quoi? Quand on prend conscience du parcours qu'on vient de faire, alors que jusqu'à présent on s'était avancé sur le fil sans réfléchir à ce qu'on faisait, comme dans un état second, et qu'on se réveille sur le fil, quoi. Voilà, si ça peut vous aider éventuellement à cadrer un peu vos personnages. Voilà, moi j'ai à peu près fini mon concept de personnage et les feuilles. J'avais deux questions à poser. La première, c'est est-ce que le nom du personnage est une feuille? Oui, tout à fait, c'est écrit sur le guide. Ok. Étant donné que j'ai barré mémoire, ça devrait être un dépôt que je dois faire chez quelqu'un d'autre. Par exemple, tout à fait. Et alors la deuxième question, je vois que tu dis que les feuilles peuvent se fusionner. Je vais essayer de te donner un exemple. Un problème, mettons que je fusionne un problème dormant et une pureté. Ça pourrait être, en fait, j'ai une très belle rose qui est dans mon cœur, une vraie rose, hein, et qui va se mettre un jour à pousser, qui va se mettre un jour à pousser au risque de m'arracher le cœur. C'est à la fois une pureté, c'est quelque chose de beau, tu vois, et en même temps, c'est un problème, quoi. Problème dormant, parce que jusqu'à présent, soit j'en ai pas conscience, soit la rose est trop petite pour que ça me fasse le moindre mal. Okay. On n'est pas obligé de classer les mots qu'on a écrits dans les exemples pureté, pourriture, etc. Non, non, tout à fait. Tu vas avoir des mots qui ont tout à fait. Ouais. Ça va, ça me rassure. Je dirais qu'il y a les quatre premiers. Il faudrait au moins que tu aies un objectif de survie, un objectif d'abandon, un problème germé, un problème dormant. Pour le reste, considère ça comme des suggestions. Ça va. Donner le mot-clé. Je vais en profiter pour en placer une. Lorsque Philippe a évoqué son personnage, il a évoqué un petit point de règle qui est celui que je chantais désespérément, qu'on me rappelle et que je n'avais pas saisi tout à l'heure quand j'avais dit que Ah, j'avais raté une d'accord. marche. Ce qui n'est pas défini sur ma fiche, avait l'air de, enfin, ça a l'air d'évoquer que ce soit défini chez les autres en fait. Donc c'est quoi ce point de règle particulier qui m'est échappé? Tu peux me la refaire là? Ouais. Phil, il a dit que, par exemple, s'il avait barré sa mémoire, ça veut dire qu'il pouvait pas créer de feuille avec son nom. Ouais. Il a dit ensuite quelque chose que je n'ai pas saisi, qui avait l'air de dire, c'est chez mes petits camarades que je vais trouver la réponse, quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement comment tu l'as formulé, Philippe, mais je me suis dit, Je vais tiens, donner la feuille à un autre joueur tu vas donner la feuille à notre joueur? pour qu'il la mette sur sa feuille, sur son arbre à lui. Voilà. Ah, c'est donc ça que j'avais raté. Les branches que l'on barre, elles se retrouvent chez le voisin? Enfin, je. Non, non, Non, non, non, du tout. Non, non, mais en fait, c'est parce que, bon, Philippe, le nom du personnage de Philippe, mettons, je n'importe quoi, il s'appelle Daniel, je dis n'importe Il quoi, s'appelle c'est que, Philippe Cage. bon, il est, Philippe estime que comme il a barré mémoire, il peut pas écrire son nom sur sa propre fiche de perso. D'accord. Et donc, il va en faire un dépôt. Un dépôt, c'est une des suggestions de feuilles, hein, qui sont notées, une suggestion de mots, hein, qui sont notées sur le guide. En fait, le dépôt, c'est un mot, mais que tu mets chez quelqu'un d'autre. Et donc, tout simplement, il va dire, je sais pas, par exemple, Fabrice, bah voilà, mon nom, c'est comme ça. Puis tu l'écris sur ta feuille. Toi, ton personnage connaît mon nom, quoi. Donc, c'est d'ailleurs, c'est une interprétation, justement, là, Philippe fait une interprétation toute personnelle, bah de ce qu'est une branche, de ce que signifient les mots. Moi, je lis pas sur la planche, donc. J'essaie de me. Là, j'avais commencé, mais vraiment de me concentrer sur les feuilles imposées et déjà voir quelle heure il est. Le reste, même si c'est pas fait, fait. Entendu. Un dépôt, un fatum, une rumeur. Après, il vaut mieux qu'on passe un peu de temps sur la création de perso plutôt que de partir sur des personnages bâclés. Hein. J'avais mis très longtemps en convention. Est-ce que vous voulez que je vous parle un peu de mon personnage? Pour meubler, ou ça vous distrait? Ouais. Donc, Et là, non, ouais, je vas-y, suis vas-y. aussi dans mon perso, là, j'ai du mal. Et là, je dirais que ça risque de nous distraire. Donc je vais essayer d'être efficace. Ah, c'est vrai, c'est pas faux. Ok, bah on se donne déjà 5 minutes de concentration là. Je reconnais que ça change des jeux avec une création de personnages instantanée avec deux aspects et puis un jet de dés. C'est assez. Ça peut être désarçonnant. C'était écrit sur la jaquette, donc on savait. C'est la première chose que j'ai dit que j'étais intimidé par la création. On est tous à bord du même bateau, on va y arriver. C'est bon. C'est l'avantage des mecs qui vont écouter, c'est. Souk est ferme. Mais les gars qui vont écouter, ils ont déjà zappé là, ils se font trop Ouais, ils chier. sont 40 minutes plus tard, hein, ils ont. Ah d'accord. Ils ont de la chance. On n'y est pas Ouais. encore, nous. Non, je plaisante. Enfin, j'espère. Après, juste comme ça, hein, c'est l'idée aussi, c'est que le temps qu'on passe à créer des persos, c'est l'idée, c'est qu'on sera payé en retour, quoi. C'est ça. Moi, par exemple, l'attraction, j'aimerais bien le faire sur un autre personnage, donc je vais attendre. Donc, quand on crée des liens, toi, dans ta manière de jouer, on peut Attends, inventer. excuse-moi Fabrice, mais je me demande si t'as pas une mauvaise version du guide du joueur. Est-ce que t'as la version du 8 mai 2015? Que tu dis le terme d'attraction, il n'existe plus en fait. Pas du tout, moi non plus. J'ai le Putain, mais. 07-03-2015, moi. Ah, moi j'ai Ah, ouais. 07-03, c'est celle qui était sur l'événement. Oui, mais en fait, un peu plus loin dans la conversation, j'avais remis une nouvelle. Ah ouais, désolé, mais en plus en ce moment en virtuel, il y a plein de trucs et j'ai. Ah les boules. Ça a dû passer le Parce train. que celle qui est alors celle qui est dans sur le Non, mais c'est blanc. bon, j'ai recliqué, mais j'espère que j'ai pas fait trop de conneries du coup. Pareil, j'ai recliqué. Non, c'est pas dramatique, Oui, non, celle qui est non, du sur tout. le board, c'est la bonne. Ouais, celle qui est sur le board, c'est la bonne. Ouais, mais vu Moi, je que. préfère avoir une fenêtre annexe justement pour Oui, je voir comprends tout bien, mais autour. ouais, utilisez celle du 8 mai s'il y a des petites bon les mots qui sont suggérés sont un peu C'est mieux. pour ça que je trouvais pas les objectifs. Je me suis C'est dit, copié je vais dans le un chat. peu. Ouais, ça oui, par contre, les objectifs, ça n'existait pas avant. Ok. C'est vrai, en plus j'avais regardé, j'avais été dit, ouais, ça a l'air mieux. Ok. De toute façon, j'avais pas fait grand-chose, Juste donc. développer un jeu où les personnages n'avaient pas d'objectifs. Comme dans My Little Pony RPG. Ma fille est en plein dedans, mais de quoi parlez-vous, bon sang? Thomas, je t'ai envoyé une feuille, je ne sais pas si tu as vu, Alors, je regarde. dans le chat en privé, juste pour toi. est génial aussi, c'est que même l'MJ connaît pas la fiche de perso. Ouais, des fois j'ai des surprises un peu sales même. Mince, alors pourquoi je ne vois pas? Ouais, j'ai une de mes joueuses qui m'avait fait un combo breaker sur un PNJ. Ah oui, ok, oui, d'accord. Ok. Aussi, impeccable. J'ai noté. C'est la ça rumeur, va. Ouais. Merci. Rumeur et Fatum. Ok. Alors. Excuse-moi Philippe, mais comment tu fais pour mettre des messages dans le chat qui s'adressent à une seule personne? Ça m'intéresse, ça serait le plus simple à faire, mais je vois pas. Tu fais slash tout et puis tu mets l'initiale de la personne à qui tu veux aller. Donc je fais slash tout, espace grand T, espace et puis mon message, grand T pour Thomas. Tu parles du chat du Hangout ou Du de celui chat de qui est à côté de Discord? la vidéo. Slash tout. Oui, mais si tu fais slash point d'interrogation, tu as toutes les commandes qui s'affichent. Wow. Je vais m'amuser comme un petit fou avec ça. Alors, par contre, je te trouve pas. Gérard s'y trouve pas. C'est bizarre. Faut l'avoir en ami ou non, pourtant Bah, t'as mais mon je l'ai en PNJ. ami. Tu fais slash users pour avoir le les participants. Ah oui, d'accord. Mais Ah ça super, fonctionne. génial. Ah bah du coup c'est très bien là. Du coup le mieux c'est qu'on utilise ça pour se faire des messages en privé. Ah bah oui. Donc bah du coup bah, vraiment, quand vous faites un dépôt, si vous faites un dépôt vers quelqu'un d'autre, vous pouvez utiliser ça quoi. Ouais, c'est très bien d'avoir ajouté pureté. Ah, l'idée c'est que il faut que vous fassiez un personnage que vous puissiez aimer en fait. C'est le gros problème en fait. Moi j'avais une joueuse, enfin juste pour la petite anecdote, qui trouvait le truc trop horrible, avec peut-être ma manière de jouer aussi. Et elle avait. On avait utilisé Sarcomancie, en fait, elle utilisait Sarcomancie pour se faire des cornes et pour devenir inhumaine, Ouais. pour arriver à jouer son personnage, en fait. Parce qu'elle trouvait ça tellement horrible, elle dit, je peux pas jouer un être humain normal. Bah ouais, c'est difficile. Bon, après, quand on est face à l'horreur, hein, certains joueurs, justement, essayent d'en sortir en décidant de jouer un monstre. Mais l'idée, c'est de jouer sur le fil, quoi. Quelque part, si ton personnage devient complètement un monstre, il part vers l'abandon. Donc, y a la pureté qui le ramène de l'autre côté, quoi. Mettrais peut-être 6 mois ou 1 an, mais j'essaierai de faire ce cercle. Je pense qu'il y a des choses intéressantes, même si la partie n'était pas très bonne. Bah, de toute façon, c'est ça quand on joue avec des jeux en test. Oh, même des jeux pas en place. Bon, je trouve ça très aléatoire le JDR, des fois. C'est exactement ce qui fait la magie de ce média. Est-ce que vous vous en sortez? Bon, écoute, moi je t'avoue que je le fais au feeling, hein, Je suis mais. très en retard là. Moi je suis en train de lister les feuilles en priorité, les feuilles obligatoires. Ouais. Et je Moi aussi, découvre du moi. coup certaines qui n'existaient pas dans la version précédente. Aussi, je crois que je le fais complètement au feeling. À la fin, on va voir quel personnage à faire, mais. Tac, c'est bon. Ouais, j'ai reçu ton message, hein, Volsung. Hein. Alors. Peut-être ceux qui sont un peu plus avancés peuvent toujours redonner un peu leur concept de perso. D'ailleurs, Philippe, tu avais donné le tien, mais en fait, j'ai été absent, donc j'ai pas écouté. Je n'ai pas donné parce que ça aurait distrait tout le monde. Donc, ah, ok. mais je veux bien le faire maintenant, si ça convient à tout le monde. Ouais, je pense que c'est le moment, ouais. Je pense que ça va me ralentir, mais bon, il faut pas... Vas-y, envoie, fais péter. Je vais faire court. Donc c'est un... Faut faire court, de toute façon. Un homme de taille plutôt moyenne à petite, malingre. Il vous sert de guide, surtout quand vous aventurez hors des voies déchues, plus dans la forêt. C'est aussi un cuisinier. Et il reste souvent un peu à l'extérieur de spectacle, mais quand il s'y met, c'est par la musique. Il joue de la guimbarde et il a vraiment un don. On dirait que toute la forêt se tait pour l'écouter jouer. Je pense que c'est bien assez, là. Le reste, on le découvrira en jeu, si tu veux bien. Tout à fait. Quelqu'un d'autre peut en dire plus sur son perso ou c'est prématuré? Ouais. Moi, je veux bien encore quelques minutes. Ok. Ouais, j'ai pas du tout mis de relations et tout ça. Ça faut qu'on voit ça ensemble. Parce que c'est bon. Pas voulu complètement l'imposer, mais c'est bien quand même d'avoir un peu de relations, quoi. Après, si vraiment c'est un truc qui te bloque. Tu non, le non, laisses. Mais je peux faire des relations, mais avec les autres PJ. Ouais, tout à fait. Tu peux aussi le mettre. Comment dire? Il vous est pas interdit d'écrire en fait les mots imposés, par exemple objectif relationnel, relation. Vous mettez un petit point d'interrogation à côté, et puis vous laissez. Quand vous en apprenez un peu plus sur les autres, vous vous complétez en cours de jeu. Ça peut être possible, quoi. Ça notamment à l'attention de ceux qui ont plus de mal à écrire, à inventer beaucoup de choses dès le départ. Ouais. Il va falloir que tu répètes ta dernière phrase, hein. J'étais en pleine lecture. Ouais, en fait, Volsung, si oui. Tu supposons que tu sèches, que tu n'arrives pas à écrire assez de mots, tu peux noter sur ta feuille les mots imposés tels que par exemple objectif relationnel et relation. Et puis comme ça, ça te fera en cours de jeu, quand on apprendra par exemple plus sur les autres, tu pourras compléter en disant bah tiens, finalement mon objectif relationnel c'est ça, et ainsi de suite, quoi. D'accord. Bah, d'ailleurs, je me demande des fois sur quelle branche ça irait, ce genre de... Dans l'absolu, c'est toi qui choisis, mais si tu as besoin de conseils, vas-y. Ouais, je pense que je vais faire comme ça, sinon on n'est pas couché. Hein. Donc je vais quand même essayer d'avancer encore un minimum et en piste. Tu peux vite me redonner les objectifs des exemples d'objectifs d'abandon? Alors, objectif d'abandon, ça renvoie au truc d'abandon. L'abandon, c'est tu vois, il y a les dans la page 2 du guide, il y a des synonymes d'abandon. Ça pourrait être objectif d'abandon assez extrême. Ça pourrait être mon personnage est suicidaire, tu vois. Il veut mettre fin à ses jours. Ou alors mon personnage veut découvrir une nouvelle sorte de recherche un certain type de drogue ou mon personnage veut offrir un de ses bras à la personne qu'il aime, ou alors il veut rentrer en contact avec un Orla. Une question, est-ce que par exemple l'éphémère, ça peut être un mot qu'on a ailleurs ou... Est-ce que j'ai... Oui, c'est ça, c'est ma question. Est-ce que l'éphémère, par exemple, c'est dans les mots imposés, là? Oui. Ça peut être une chose qu'on a déjà écrite ailleurs, ou le concept, si on l'écrit Bah, tu pour un... fusionnes en fait, du coup. C'est-à-dire que, par exemple, n'importe quoi, ta pureté peut être ton éphémère, tu vois. C'est exactement ce que tu me dis, je pense, en fait. Oui, c'est ça. C'est ma question. Qui rigole tout seul. Non, c'est moi, je suis en train d'écrire des trucs. Et je me dis vraiment, sur ce jeu, il y a trop moyen de faire des scènes juste horribles à faire ces persos. Je sens le truc. Ça te fait rire. Oui, un peu. J'ai honte, mais ça me fait rire. Non, notamment mon dépôt, je sais pas qui va le recevoir, mais ça me fait rire. Enfin, on verra, hein, si c'est raté, c'est raté, mais je trouve ça rigolo, dans l'absolu. Bon, bah, c'est l'essentiel. Un fantôme, ok. Si vous voulez, je pense que ce qu'on va faire, si vous êtes d'accord, Ouais. c'est qu'on va se laisser encore 5 minutes. Et ensuite, si vous n'avez pas fini, bah, vous complétez à la volée tout en jouant, en fait. Quand, Tu ramasses les copies, quoi, après, c'est... ouais, je pense qu'on va faire ça. Ça marche. Donc je ramasse les copies dans 5 minutes, quoi. Mais il y aura À pas de zéro. partir de quand les 5 minutes? Mais j'ai pas révisé. Pour occuper les 5 minutes qui nous restent, je crois que pour moi, il y a que Philippe qui a donné son concept de perso. Est-ce qu'il y en a qui peuvent déjà le donner? Oui, je Donc, en peux. quelques mots, Peggy, je t'écoute. Donc, elle s'appelle Is. C'est une acrobate. C'est une jeune femme très jeune, la vingtaine. Et elle n'a jamais de. Quoi, tout ce qu'elle possède, en fait, elle le porte sur elle. Elle a des cheveux qui sont tressés en locks. Et elle a plein de petits breloques attachés un petit peu partout, que ce soit des perles, des plumes, des os, tout ça est attaché dans ses cheveux. Des capsules aussi. Tout ce qu'elle récupère, elle le porte comme ça, soit sur les cheveux, soit en bijoux. Elle a souvent le regard un peu perdu. Et ouais, voilà. Quoi dire pour l'instant d'elle? Ok, Elle non, est moi c'est bien courte, assez. Il faut pas une trop veste en cuir. en dire. Moi, j'aimerais bien faire des liens de relation avec les autres. Moi aussi, ça a quelques minutes. Alors, la relation, ça peut être fait entre guillemets sans se concerter. Par exemple, je dis n'importe quoi. Hein. Un joueur peut s'écrire une relation. Bah, j'aime le personnage un tel. Sans que l'autre soit au courant. Ou effectivement, comme tu suggères, on peut se concerter. Idem pour les objectifs relationnels. Le fatum, c'est quelque chose qu'on te file, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on oublie l'existence du coup? Non, c'est à toi de voir. Moi aussi, je vais envoyer mes trucs en privé là. Alors, juste un truc à faire. Ok. Donc, pour envoyer un truc, il faut que je fasse slash tout et le nom, c'est ça? Ouais, donc j'ai juste une lettre. Hein. C'est G pour Philippe, V pour Volsung, A pour toi, Arjuna, P pour Peggy, et puis T pour moi, quoi. Slash tout, c'est collé peut-être. Slash tout coller, espace, et ensuite la lettre en majuscule, la première lettre du prénom. Rien qui apparaît. Slash tout comme en anglais, hein, Oui, slash tout à tout. fait, ouais. Pas en ami ou quoi dans le site te rajouter? Je sais pas, on dirait que je te vois pas sur le board. Attends, j'ai actualisé. Je C'est t'entends pas sur plus. le board, hein. C'est pas sur le board, c'est sur la chat, le chat de De la Google. vidéo. De la vidéo. Ok. Ouais. Ouais. De la vidéo, hein, on est d'accord. Oui. Ouais, du Hangout, quoi. C'est pas trop mal. Déjà, ça marche pas. Après. Je t'ai envoyé un message normalement. Il y a déjà un paquet de messages que tu dois voir. Oui. Donc vraiment sur la fenêtre Hangouts où s'afficherait vraiment la vidéo si on avait des cams. Ça s'appelle chat en groupe. Hein. Ouais, Oui. mais c'est là où je suis. Ouais, t'avais envoyé des slash tout, donc tout un. Mais après, j'ai pas reçu de message privé en tant que tel. Ben, le marqué slash to A, Je viens de t'en tu mettre un là es par le exemple, t'as seul à remis si avoir. tu ne vois Oui, pas. là, je vois, ouais, mais. C'est énervant. À tout hasard, si jamais je clique sur le. Non. Normalement, quand j'appuie sur la première lettre, j'ai le pseudo qui s'affiche. C'est le concept, non? Non, non, ça va pas Oui, s'afficher, hein. tu mets juste slash tout et la lettre et ça va envoyer le message à la bonne Je viens de personne. te remettre un message, Attends, je vais tester un un exemple truc. là. Ça a marché. Ah, ok. J'ai reçu ton message, Fabrice. Ok, parce que je m'attendais à ce qu'il y ait une interface derrière. Mais ok. Alors ça c'est garde forestier. Moi, je crois pas que j'en ai fait 20. C'est pas grave, Peggy. C'est pas grave, c'est un maximum. N'hésitez pas à en rajouter en cours de jeu, de toute façon. Hein. Dès que vous aurez une petite minute de libre, vous pourrez faire ça. Alors, est-ce que je suis méchant et que je lance le jeu, sachant que là, les 5 minutes ont expiré, ou est-ce que vraiment c'est trop dur pour vous? Il faut absolument du temps en plus. Déjà, laisse le temps d'envoyer les messages en privé. Bah en même temps ça tu peux le faire tout en pendant que je poursuis. Ouais, Moi j'ai bon même pas ma bah. branche morte en fait. Pardon Volsung? Je n'ai même pas ma branche morte. Alors Ah que. ok. Tu veux que j'en... Sinon tire la OD hein, si vraiment c'est trop compliqué. Bah, je vais sans doute couper celle où il n'y a pas encore de mots dedans, quoi. Bah voilà, tout Parce que simplement. ça peut donner un résultat un peu étrange, mais. Et oui. Ok, bon, je relis juste ce que j'ai fait. Ouais. Bon, de toute façon, si on a jusqu'à 1h30 grand max, ça fait 10h30. Ouais, ça fait quand même 3 heures de jeu, c'est déjà bien. Ok, donc je suis prêt pour décrire mon perso, ça risque d'être un peu le bordel dans ma tête, mais. Ça roule.